plus jamais tu pleures, plus jamais tu auras peur, jouissant dans des palais dorés, en toute splendeur, de plaisir éternel en présence des meilleurs, contemplant le visage de l'irrésistible Seigneur, endure et lutte contre Shaitan encore quelques heures. Sache qu'Allah t'aime, l'épreuve n'est pas un déshonneur, prouve-lui que tu l'aimes, sans craindre le blâme des blâmeurs. Place ta confiance en le meilleur des protecteurs, et dis, ô toi mon créateur, pour toi je vis et je meurs. Plus jamais tu pleures, plus jamais tu auras peur, jouissant dans des palais dorés, en toute splendeur, de plaisir éternel en présence des meilleurs, contemplant le visage de l'irrésistible Seigneur, endure et lutte contre Shaitan encore quelques heures. Sache qu'Allah t'aime, l'épreuve n'est pas un déshonneur, prouve-lui que tu l'aimes, sans craindre le blâme des blâmeurs. Place ta confiance en le meilleur des protecteurs, et dis, ô toi mon créateur, pour toi je vis et je meurs.